crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Kébert. Avec les restes de la gamine, les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. Quelqu'un voit en vous le coupable idéal. Il n'a pas envie que je mette mon nez là-dedans. On va vous tirer de là, Harry. Je n'ai pas su veiller sur ma fille. Écrivez un livre pour les parents, Monsieur Goldman. Les parents doivent prendre grand soin de leurs enfants. Je revois les marques sur ses seins. C'était épouvantable. Il y a une inscription sur le manuscrit. Il est écrit « Adieu, Nola chérie ». Je vous assure que ce n'est pas mon écriture. Je ne l'ai pas tué, je n'ai pas tué Nola. Je peux vous assurer que pendant l'été 75, celui où Harry Kébert a débarqué ici, Nola a entretenu une liaison avec un homme d'une quarantaine d'années. Vous vous souvenez de son nom ? C'était Elias Stern. Probablement un des hommes les plus riches du New Hampshire. La vérité sur l'affaire Harry Kébert, de Joël Dicker. Adaptation Sophie Lemp. Réalisation Pascal Deux. Quatrième épisode. Le samedi 5 juillet 1975, Nola apprit que Harry entretenait une liaison avec Jenny, la fille de la patronne du Clarks. Désespérée, elle déposa une lettre contre la porte de sa maison. Le lendemain, elle se rendit au cinéma avec son père, le révérend David Kellergan. Dans le couloir, alors qu'elle se rendait aux toilettes, elle tomba nez à nez avec Harry. Nola ! Nola ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ou je crie ! Nola, ne sois pas fâchée contre moi. Vous m'évitez. Pourquoi vous ne venez plus au Clarks ? Je suis désolée. Vous ne me trouvez pas jolie, c'est ça ? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous étiez fiancée à Jenny Quinn ? Quoi ? Je ne suis pas fiancée, qui t'a dit ça ? Jenny et vous ? Vous n'êtes pas ensemble ? Non ! Je te dis que non ! Alors vous ne me trouvez pas laide ? Laide ? Enfin, Nola, tu es tellement belle. C'est vrai. J'étais si triste. Je pensais que vous ne vouliez plus de moi. J'ai même eu envie de me jeter par la fenêtre. Tu ne dois pas dire des choses pareilles. Alors dites-moi encore que je suis jolie. Je te trouve très jolie. Je regrette de t'avoir fait de la peine. N'en parlons plus. Serrez-moi contre vous. Je vous trouve tellement brillant. Si beau. Si élégant. Je ne peux pas, Nola. Mais pourquoi ? Si vous me trouviez belle, vous ne me rejetteriez pas. Je te trouve très belle. Et tu es une enfant. Mais je ne suis pas une enfant. Nola, toi et moi, c'est impossible. Pourquoi êtes-vous si méchant avec moi ? Je ne veux plus jamais vous parler. Nola, je... Ne me parlez plus. Laissez-moi. Laissez-moi. Laissez-moi ou je dirai à tout le monde que vous êtes un pervers. Allez rejoindre votre petite chérie. C'est elle qui m'a dit que vous étiez ensemble. Je sais tout. Je sais tout et je vous déteste, Harry. Partez. Partez. Allô ? Goldman, c'est Barnaski. Roy Barnaski. Vous vous souvenez, votre éditeur ? Bonjour, Roy, comment ça va ? Marcus, rappelez-moi, quel jour sommes-nous ? Le 28 juin, samedi. C'est ça, Goldman. J'ai l'impression que vous m'avez un peu oublié, non ? Je vous rappelle que nous avons un deal. Vous vous êtes engagé à écrire sur l'affaire Harry Kébert, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est pas si simple. Alors écoutez-moi bien. Nous sommes le samedi 28 juin. Le délai que je vous ai accordé expire dans 2 jours. Je sais, Roy, Laissez-moi finir. Que les choses soient bien claires. Si j'ai pas reçu votre texte lundi, je vous assigne en justice et je demande 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Écoutez, Barnaski, rien du tout, Goldman. Vous n'avez pas intérêt à me planter, sinon je vous casse. Ce sera fini l'écriture pour vous. Même les cartes postales à votre maman. Finito, compris ? Hier, les bouteilles de sirop d'érable étaient collantes et le sucrier était vide. Peu après cet édifiant coup de téléphone, Marcus se rendit au Clarks pour déjeuner. Tamara, la mère de Jenny, était installée au comptoir et n'arrêtait pas de houspiller sa fille. On disait que c'était les meilleurs de la région. Vous, le jeune type, là, pourquoi vous m'écoutez ? Moi ? Mais je vous écoute pas, madame. Bien sûr que vous écoutez, puisque vous me répondez. Vous êtes d'où ? New York, madame. Qu'est-ce qu'un jeune New-Yorkais de si bonne allure vient faire à Aurora ? J'écris un livre. Vous êtes écrivain ? Je déteste les écrivains. C'est une race d'oisifs, de bons à rien et de menteurs. Vous vivez de quoi? Des subventions de l'État? C'est ma fille qui tient ce restaurant, je vous préviens, elle vous fera pas crédit. Alors si vous pouvez pas payer, foutez le camp. Foutez le camp avant que j'appelle les flics. Le chef de la police, c'est mon gendre. Maman, c'est Marcus Goldman, c'est un écrivain connu. Nom de Dieu, vous êtes ce petit fils de pute qui traînait dans les jupes de Kébert. Oui, madame. Vous avez bien grandi depuis le temps. Vous êtes devenu pas mal. Vous voulez savoir ce que je pense de Kébert? Ah non, merci, madame. Je vais vous le dire quand même. Je pense que c'est un fiefé enfant de putain et qui mérite la chaise électrique. Maman! Ben, c'est la vérité. Maman, arrête! Tais-toi, c'est moi qui parle. Prenez note, monsieur l'écrivain. Si vous avez une once d'honnêteté, écrivez la vérité sur l'affaire Harry Kébert. C'est le dernier des salopards, c'est un pervers, une crevure et un meurtrier. Il a tué la petite Nola, la mère Cooper, et d'une certaine façon, il a aussi tué ma Jenny. Arrête, maman! Fouineur comme vous êtes, je parie que vous aimeriez bien savoir pourquoi je le déteste tant. En effet, madame, ça peut m'intéresser. Vous avez du temps, j'espère. Je vais vous le dire, moi, pourquoi. Tamara raconta à Marcus ce qui s'était passé le dimanche 13 juillet 1975. Ce jour-là, elle avait organisé une garden party au cours de laquelle Jenny devait présenter officiellement son nouveau petit ami, Harry Kébert. Tamara avait fait les choses en grand. Tout devait être parfait. Les invités arrivèrent peu à peu, tous sauf celui qu'elle attendait. En effet, ce même jour, Nola avait fait une tentative de suicide et Harry s'était rendu à l'hôpital dès qu'il l'avait appris, sans prévenir les Queen. À la fin de l'après-midi, alors que Jenny s'était enfermée dans sa chambre pour pleurer, Tamara décida d'aller trouver Harry chez lui pour obtenir des explications. La maison était déserte et elle commença à fouiller partout. Sur son bureau, elle trouva le feuillet qu'il venait d'écrire. Manola, Nola chérie, Nola d'amour, qu'as-tu fait? Pourquoi vouloir mourir? Est-ce à cause de moi? Je t'aime plus que tout. Ne me quitte pas, si tu meurs, je meurs. Tout ce qui importe dans ma vie, Nola, c'est toi. Quatre lettres, N-O-L-A. Vous vous rendez compte? Et qu'avez-vous fait de ce feuillet? Je l'ai pris. Dans quel but? Nuire à Kébert. Je voulais qu'il aille en prison. Vous en avez parlé à quelqu'un? Au chef Pratt. Dans les jours qui ont suivi. Il m'a dit qu'il allait mener son enquête. Je lui en ai reparlé au moment de la disparition de la petite. Il a répondu que ça pouvait être une piste. Le problème, c'est qu'entre-temps, ce feuillet avait disparu. Comment ça? Je le gardais dans le coffre du Clarks. J'étais la seule à y avoir accès. Et puis un jour, je me souviens, c'était au tout début du mois d'août 1975, il a mystérieusement disparu. Plus de feuillets. Plus de preuves contre Harry. Qui avait pu le prendre? Aucune idée. C'était un coffre énorme, en fonte, dont j'étais la seule à posséder la clé. À l'intérieur, il y avait toute la comptabilité du Clarks, l'argent des salaires et des liquidités pour les commandes. Et c'est moi qui gardais toujours la clé. Mon mari, il perd toujours tout. Enfin bref, un jour, j'ai réalisé que le feuillet n'était plus là. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Tout était là, sauf ce maudit bout de papier. De vous à moi, Madame Quinn, quand vous avez découvert les sentiments de Harry pour Nola, qu'avez-vous ressenti? De la colère, du dégoût. Et vous avez eu envie de vous venger? Les lettres anonymes, c'était vous? Est-ce que j'ai une tête à faire ce genre de saloperie? Pensez-vous que Nola a eu des relations avec d'autres hommes à Aurora? Vous n'y êtes pas du tout. C'était une gentille petite, toute mignonne, toujours prête à rendre service, travailleuse, intelligente. Qu'est-ce que vous allez imaginer avec ces histoires de coucherie? C'était juste une question comme ça. Connaissez-vous Elias Stern? Bien sûr. C'était le propriétaire avant Harry. Le propriétaire de quoi? De la maison de Gouskov. Elle appartenait à Elias Stern, une maison de famille, je crois. Quand il a repris les affaires de son père à Concorde, il n'a plus eu le temps de venir, alors il l'a mise en location, avant de finalement la vendre à Harry. Gouskov appartenait à Elias Stern? Oui. Ben, qu'est-ce qui vous arrive, New Yorkais? Vous êtes tout blanc. Sous le choc, je décidai de me rendre immédiatement chez Elias Stern, qui habitait un manoir sur les hauteurs de Concorde. Je réussis à obtenir un entretien, mais celui-ci se termina rapidement, me laissant la désagréable impression de n'avoir servi à rien. Avant de partir, je demandais à l'employé de maison si je pouvais passer aux toilettes. Sans savoir ce que je cherchais, je décidai d'explorer les lieux rapidement. Ouvrant les portes au hasard, j'arrivais sur une vaste véranda entourée d'une jungle de plantes grimpantes. C'était un atelier de peinture. Au mur, plusieurs toiles, toutes signées LC, dont les dates n'allaient pas au-delà de 1975. Un autre tableau, plus grand que les autres, était accroché dans un angle. Il représentait une jeune femme. On ne la voyait que jusqu'en haut des seins, mais on comprenait qu'elle était nue. Je m'approchais. Ce visage ne m'était pas complètement inconnu. Je l'observais encore un instant, avant de comprendre soudain et d'en rester complètement stupéfié. C'était un portrait de Nola. Je pris quelques photos avec mon téléphone et m'enfuis aussitôt. L'employé de maison trépignait devant la porte d'entrée. Je la saluai poliment et sortis, tremblant et en sueur. Les découvertes que venait de faire Marcus ainsi que les menaces qu'il avait reçues à plusieurs reprises achevèrent de le convaincre. La vérité méritait un livre. Le 30 juin 2008, il envoya ses premiers paragraphes à Roy Barnaski. Marcus, j'ai lu, c'est formidable, on le fait. Vraiment ? On tient un truc énorme là. J'ai toujours cru en vous, mais là vous m'avez bluffé. Merci Roy, merci, je suis content que ça vous plaise. Écoutez Goldman, vous écrivez ce livre et on annule le précédent contrat. J'ai qu'une condition, que le livre paraisse cet automne. Il me faut impérativement le manuscrit fin août. Fin août ? Ça me laisse à peine 2 mois. Oh, démerdez-vous Goldman, 2 mois, ça ira. Suite de l'affaire Harry Kéber, l'écrivain ne sera désormais... Sur la route de Concorde, alors qu'il allait dire à Harry qu'il s'apprêtait à écrire son histoire, quoi ? Marcus avait appris par la radio que l'ensemble des livres de son ami étaient désormais retirés des programmes scolaires de la quasi-totalité des États du pays. En moins de 2 semaines, Harry avait tout perdu. Il était désormais un auteur interdit, un professeur répudié, un homme haï par toute une nation. Si je suis jugé coupable, ils vont me tuer. Personne ne vous tuera, Harry. Est-ce que je ne suis pas déjà mort ? Non. Non, vous n'êtes pas mort. Vous êtes le grand Harry Kéber. L'important, c'est pas la chute, parce que la chute est inévitable. L'important, c'est de savoir se relever. Et nous nous relèverons. Vous êtes un type bien, Marcus. Mais les œillères de l'amitié vous empêchent de voir la vérité. Au fond, la question n'est pas de savoir si j'ai tué Nola, Deborah Cooper, ou même le président Kennedy. Le problème est que j'ai eu une relation avec cette gamine, et que c'était un acte impardonnable. Et ce bouquin ? Qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ce bouquin ? Et vous ? Avez-vous reçu de nouvelles menaces ? Disons qu'à chaque fois que je rentre à Gouskove, je me demande ce qui m'attend. Trouvez celui qui fait ça, Marcus. Je ne supporte pas l'idée que quelqu'un vous menace. Ne vous en faites pas. Et votre enquête ? Ça avance. Harry, j'ai commencé à écrire un livre. C'est formidable. C'est un livre sur vous. Et j'y parle de nous... de l'université de Burroughs, quand j'étais votre étudiant. Et je parle de votre histoire avec Nola. C'est un livre d'amour, sur votre histoire d'amour. Ce sera un bel hommage. Alors vous me donnez votre bénédiction ? Vous savez, vous avez probablement été l'un de mes plus proches amis. Je suis très flatté d'être le sujet de votre prochain livre. Pourquoi utilisez-vous le passé ? Pourquoi dites-vous que j'étais l'un de vos plus proches amis ? Nous le sommes toujours, non ? J'ai dit ça comme ça. Harry, nous serons toujours amis. Ce livre, c'est la preuve de mon indéfectible amitié. Merci, Marcus. Je suis touché. Mais n'écrivez pas au nom de notre amitié. Écrivez parce que c'est le seul moyen pour vous de faire de cette minuscule chose insignifiante qu'on appelle la vie une expérience valable et gratifiante. Elle aimait l'opéra, Marcus. Mettez-le dans votre livre. Elle aimait l'opéra à en mourir. Elle disait que si elle ne devenait pas actrice à Hollywood, elle serait chanteuse à Broadway. Vous savez, Marcus, Nola Kellerghan aurait pu marquer ce pays de son empreinte. Vous pensez que ses parents auraient pu s'en prendre à elle ? Non. J'imagine mal David Kellerghan en meurtrier de sa fille. Pourtant, elle y avait ses coups qu'elle recevait. Ses coups... C'était une drôle d'histoire. Et l'Alabama ? Je crois qu'il s'est passé quelque chose en Alabama et que cet événement a probablement un lien avec leur départ. Mais je ne sais pas quoi. Mon pauvre Marcus, j'ai l'impression que plus vous creusez cette affaire, plus vous soulevez d'énigmes. En rentrant à Goose Cove, je trouvais un email de Roy Bandaski qui me proposait pour mon livre une avance $1 million. Un peu plus tard, une patrouille de police passa s'assurer que tout allait bien. Bonsoir, monsieur Goldman. Bonsoir. C'était deux jeunes officiers de mon âge, très sympathiques. Ah, très bien. Ils me dirent qu'ils allaient rester un moment devant la maison. Ok, ben merci beaucoup. Je me remis au travail et me plongeais dans les enregistrements. Le samedi 19 juillet 1975, alors que Nola était toujours à la clinique, avait eu lieu le traditionnel bal de l'été au Country Club de Montbury. Harry avait promis à l'organisatrice de la soirée, Amy Pratt, qu'il viendrait. Et il s'y rendit donc à contre-cœur. Ce soir-là, sur le miroir des toilettes du club, il découvrit une inscription qui le terrifia. Il était écrit au rouge à lèvres « Baiseur de gamine ». Le lundi 21 juillet 1975, Nola sortit de l'hôpital. Harry, qui avait gagné à la tombola du bal une semaine pour deux personnes dans un hôtel de luxe de Martha's Vineyard, décida d'y emmener la jeune fille pour vivre leur amour une dernière fois avant de quitter Aurora pour toujours. Quelqu'un savait, et il n'avait de toute façon plus les moyens de payer le loyer de Goose Cove. Il téléphona à l'agence de location pour résilier le bail à compter du 1er août. Entendu, monsieur, je vous déposerai les clés de Goose Cove à votre agence lundi 4 août, en rentrant à New York. Au revoir. Nola ? Vous partez ? Harry, qu'est-ce qui se passe ? J'ai des ennuis. Vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, je vais mourir. Ne dis pas ça. Ne partez pas. Sans vous, je ne suis rien. Nola, il faut que je te dise, j'ai menti depuis le début sur moi, sur ma carrière. Je ne suis pas un écrivain célèbre. Je n'ai plus d'argent, plus rien. Je n'ai pas les moyens de rester plus longtemps dans cette maison. Nous trouverons une solution. Vous allez devenir un écrivain très célèbre. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Votre premier livre était formidable et celui que vous écrivez en ce moment sera un grand succès, j'en suis certaine. Je ne me trompe jamais. Mais ce livre, Nola, c'est une souffrance. Une souffrance ? Oui. J'écris des mots sur toi que je ne devrais pas écrire. Et en même temps, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que vous ressentez ? De l'amour. Alors ces mots, ils seront beaux. Mettez-vous au travail. Mettez des mouettes. Mettez des mouettes dans votre roman. Il y en aura à chaque page, Nola. Et si nous faisions ce voyage à Martha's Vineyard ? Il y a une chambre libre la semaine prochaine. Oui, partons tous les deux. Qu'est-ce que tu diras à tes parents ? Ne vous inquiétez pas, Harry, chérie. Mes parents, je m'en occupe. Vous n'aurez qu'à écrire votre chef-d'œuvre et à m'aimer. Alors vous restez ? Je dois partir à la fin du mois parce que je ne peux plus payer cette maison. La fin du mois ? Mais c'est maintenant ! New York n'est pas loin, tu viendras me rendre visite. Nous nous écrirons, nous nous téléphonerons. Et pourquoi tu ne viendrais pas à l'université là-bas ? L'université ? Oui, tu m'as dit que tu rêvais de voir New York. Mais c'est dans 3 ans. 3 ans sans vous, je ne tiendrai pas, Harry. Quand on s'aime, le temps passe vite. Mais est-ce que vous m'aimez? Oui. Alors nous trouverons une solution pour que vous restiez ici. Les gens qui s'aiment trouvent toujours une solution pour s'aimer davantage. Promettez-moi au moins d'y réfléchir. Je te le promets. Une semaine plus tard, Nola et Harry s'en allèrent pour Martha's Vineyard, sans jamais avoir reparlé de ce départ devenu inévitable pour Harry. Le dimanche 3 août 1975, alors qu'il rentrait à Aurora, Harry déposa Nola à quelques blocs de chez elle. Elle lui fit promettre qu'il serait toujours là le lendemain matin. Harry rentra en hâte à Guskov, rassembla ses affaires, entassa les valises dans le coffre de sa voiture et jeta le reste sur la banquette arrière. Il ferma les volets, coupa le gaz, l'eau et l'électricité. Il voulut laisser un message à l'intention de Nola, mais se ravisa, de peur que quelqu'un d'autre tombe dessus. Alors que Harry venait de s'engager à toute allure sur la route 1 pour quitter Aurora, il croisa une voiture qui fit aussitôt demi-tour derrière lui et le prit en chasse. Il crut un instant une voiture de police, mais elle n'avait ni gyrophare ni sirène. Il essaya d'accélérer, mais le véhicule parvint à le dépasser et en se mettant en travers de la route, le força à s'arrêter sur le bas-côté. C'était Luther Caleb, le chauffeur d'Elia Stern. Il lui expliqua que son patron le cherchait depuis plusieurs jours et l'attendait chez lui. Devant son assistance, Harry accepta de le suivre jusqu'à Concorde. Bon sang, Harry, j'ai bien cru que je ne parviendrais jamais à vous retrouver. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici à une heure pareille. J'ai appelé chez vous, je vous ai écrit, j'ai envoyé Luther tous les jours. Mais où étiez-vous fourré? J'ai dû m'absenter quelques jours. Qu'y a-t-il de si important? Je sais tout, tout. Et vous avez voulu me cacher la vérité. Et de quoi parlez-vous? Mais de la maison de Guskov, enfin. Whisky? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez sur le point de la rendre pour une question d'argent? C'est l'agence qui m'en a informé. Je trouve tellement dommage que vous partiez. Je n'ai pas besoin de l'argent du loyer et j'ai envie de soutenir votre projet d'écriture. Je veux que vous restiez à Guskov le temps de finir votre roman. J'ai déjà tout arrangé avec l'agence. Je suis très attaché à l'art et à la culture. Mais si vous êtes bien dans cette maison, restez-y quelques mois de plus. Je serais très fier d'avoir pu contribuer à l'essor d'un grand roman. Écoutez, non. Ne refusez pas. J'aimerais vraiment vous aider. Bon, écoutez, dans ces conditions, alors j'accepte volontiers. En vivant modestement, Harry parviendrait à tenir. Il resta un moment avec Elia Stern à parler littérature, puis dès qu'il fut convenable de partir, il rentra à toute vitesse à Guskov. Il s'empressa d'ouvrir la maison, les volets, l'eau, le gaz et l'électricité, de ranger toutes ses affaires à leur place, effaçant ainsi toute trace de sa tentative de fuite. Nola ne devrait jamais savoir. C'était La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker, avec Florent Shepp, Frédéric Pierrot, Mélissa Barbeau, Christine Murillo, Carole Franck, Jacques Garcy, Joanna Nizard. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salençon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois.